Vous voici conviés au cours du Collège de France. Plus de la moitié du vivant parmi les vertébrés a disparu ces 40 dernières années, comme le souligne le rapport Planète Vivante du 27 octobre dernier, publié par le Fonds mondial pour la nature, le fameux WWF. Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, lance le même cri d'alarme. Nous vous proposons la rediffusion de sa leçon inaugurale, La biodiversité de l'océan et la forêt à la cité, le 19 décembre 2013. Finalement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères. L'efficacité proprement magique du rituel. La leçon inaugurale. Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle. Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur. Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous. Vous aussi, vous voici conviés cet été au Collège de France avec France Culture. Chaque jour, nous vous proposons une leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche est aussi le reflet des changements de notre monde et de nos cultures. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle semaine avec Gilles Boeuf et sa leçon inaugurale consacrée aux enjeux de la biodiversité. C'est en 1985 que l'écologue Rosen crée le concept de biodiversité. Du second sommet de la Terre en 1992 à l'organisation de l'année internationale de la biodiversité des Nations Unies en 2010, le concept investit la cité et le monde politique. Gilles Boeuf rappelle l'évolution sémantique de ce terme et au-delà, les enjeux qui y sont liés. Il est bien clair que la biodiversité ne saurait être représentée par le seul inventaire descriptif des espèces vivantes peuplant un écosystème particulier. Cela ne décrirait que la diversité spécifique. La biodiversité, c'est beaucoup plus que cela. C'est l'ensemble des relations établies entre les divers êtres vivants et entre ceux-ci et leur environnement. Mais aujourd'hui, poursuit-il, un cri d'alarme est lancé. La biodiversité est entrée dans une phase d'érosion beaucoup trop forte. En fait, depuis une époque très récente de l'histoire de la Terre, celle dénommée par le prix Nobel de chimie, Crutzen, l'anthropocène, entendez, l'ère où l'influence de l'homme pèse. Le concept de biodiversité étant posé, Gilles Boeuf nous propose de revenir sur l'histoire de la vie, de l'apparition du vivant dans l'océan, à la genèse de la reproduction sexuée et du brassage génétique, le passage de la vie aquatique à la vie terrestre et à la respiration aérienne, l'explosion de la biodiversité terrestre. Cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille et il revient sur les très grandes crises d'extinction qui ont frappé la planète, où les trois quarts des espèces maritimes et terrestres ont disparu sur un temps court. Le facteur temps est essentiel, insiste-t-il, et c'est le problème avec les politiques. Face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, quels peuvent être les remèdes? Doit-on tendre vers une gouvernance supranationale en établissant un véritable droit de la préservation de la nature? Il faut travailler de façon commune, nous dit-il. Les sciences de la nature et les sciences de l'homme et de la société sont intimement liées. On perd de l'espérance de vie, il prône un changement radical de notre mode de vie. Et il recommande de basculer d'une économie anthropocentrée à une économie plus écocentrée. Dans une interview de 2015, critiquant ces saletés d'engrais et de pesticides de synthèse, il indique que l'agroécologie travaille déjà avec des bactéries et des champignons du sol et cela marche très bien. Spécialiste de physiologie environnementale et d'endocrinologie, essentiellement des poissons, ainsi que de biodiversité marine et terrestre, Gilles Boeuf a travaillé 13 ans à Banyuls, dont 6 où il a été le directeur de l'Observatoire océanologique. Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, il est le président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Dans ses articles, comme dans sa leçon inaugurale, il évoque avec passion les nombreux exemples du génie de la nature, pour reprendre un terme cher à Gilles Clément. Génie qui peut nous inspirer pour élaborer des matières, des modes de vie plus écologiques et performants. tels le crabe chinois, les virus, la pomme de pin, les saumons qu'il a étudiés pendant 18 ans. Tout fait sens pour lui, tout est important. Dans une interview donnée à Libération en 2015, il s'exprime en tant que président du Centre européen en biomimétisme, entendait la notion de bio-inspiration, et il cite Léonard de Vinci. Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Gilles Boeuf intitulée « La biodiversité de l'océan, la forêt et à la cité » le 19 décembre 2013 dans le cadre de la chaire annuelle « Développement durable, environnement, énergie et société ». Merci beaucoup. Alors en premier lieu, vous imaginez l'émotion de me retrouver ici ce soir avec vous. C'est vrai que je suis habitué à faire des conférences, mais là, le site et les circonstances sont très particulières. Donc moi, je remercie beaucoup l'Assemblée des professeurs de m'avoir élu sur cette chaire. Merci, bien sûr, aussi à tous ceux qui sont venus m'écouter, qui sont de mondes très différents. Il y a beaucoup de scientifiques qui font de la recherche fondamentale. Il y a le monde de l'entreprise avec lequel on cohabite de plus en plus. Mieux que cohabiter, on coopère, c'est extrêmement important. Le monde associatif aussi de la protection de la nature. Et il y a même des gens qui viennent de banques et qui sont de plus en plus intéressés par ces questions aujourd'hui, qui sont absolument déterminantes. La question est très simple, effectivement, c'est l'humain est apparu à une époque de l'évolution de cette planète. Il a pris une place fantastique. Et c'est lié à une histoire de ma vie, parce qu'au départ, je suis un endocrinologue. Et en 2001, je lis un papier de Steve Palombi qui dit, en fait, le plus puissant moteur de l'évolution, c'est plus aujourd'hui des choses qui ont toujours été là depuis le début de la vie sur cette planète, c'est la présence d'une espèce sur les 2 millions connus, et qui en plus, je dirais, qui a eu le culot de s'appeler Sapiens. Donc, soit on devient Sapiens assez rapidement, soit effectivement, on aura quelques soucis. Et donc, ça m'a bouleversé, je suis parti, donc à l'époque, j'étais à Bagnoules, et ça m'a amené à prendre différentes responsabilités, le muséum, et à m'amener ici, et j'ai accompagné la première sortie du Collège de France à l'extérieur, c'était à Bruxelles, en 2006, pour faire une conférence, justement, sur la biodiversité. Alors simplement, pour terminer ici, ce soir, avec beaucoup d'émotion, je vais dédier ma leçon inaugurale à Robert Barbeau, qui était vraiment mon maître. Robert a disparu il y a quelques jours. J'avais beaucoup d'amour et d'admiration pour lui. Parce qu'en dehors du grand scientifique qu'il était, qui a révolutionné l'écologie en France, autant au CNRS, à l'Université Paris-Marie Curie, qu'au Muséum, Robert était quelqu'un de profondément amoureux de l'humanité. Et je crois que c'est les choses absolument essentiel pour moi. Donc, je vous dédie, si vous me le permettez, cette session inaugurale. Merci. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, effectivement, elle est sur une très longue période. Alors, aujourd'hui, biodiversité, c'est quoi ? En fait, si j'avais accepté cette position de président du muséum en 2009, c'est parce que je savais, en 2010, que les Nations Unies allaient consacrer l'année à la biodiversité. Et c'était vraiment mon combat depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, il y avait trois questions au début de l'année 2010. C'est quoi la biodiversité ? Pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe ? Et surtout, il ne faut pas arrêter de s'en préoccuper à la fin de l'année 2010. Il faut continuer par la suite. Alors ici, nous étions à Espiritu Santo, une petite île de l'archipel du Vanuatu, en 2006, 150 chercheurs, et on faisait un inventaire de diversité dans les milieux forestiers, les milieux côtiers, dans le karst, et également dans les jardins. Parce que lorsque les Lapita, il y a 3000 ans, découvrent ces îles, ils arrivent, bien sûr, avec leur cortège d'animaux associés. Et ça, est-ce que c'est la biodiversité ? Non, simplement, c'est un inventaire, c'est un catalogue que l'on fait. Là, je vous montre une région de France que je connais bien, qui s'appelle Bagnols-sur-Mer, un petit village en pays catalan, où vous avez une jolie image avec la Méditerranée, avec des fonds ici rapidement à 2 km, et puis ici, des sommets au Canigou, on a presque 3000 mètres. Ce qui veut dire que sur moins de 50 km, on passe de moins 2000 à plus 3000, 5 km de différence, c'est très important. Vous imaginez l'infini de niches qui peuvent exister dans de tels milieux. Et si on regardait effectivement, comme on l'a fait ici, la diversité sur les nombres d'espèces, ben c'est assez pauvre aujourd'hui, parce que l'humain, il fait une monoculture, c'est de la vigne évidemment, hein, les appellations Collioure et Bagnols. Et pourtant, chaque mètre carré qui est là vous donne un vin différent. Donc vous commencez à voir que la diversité, ce n'est pas uniquement un problème de catalogue. Et je vous ai mis ici une image que j'aime beaucoup. C'est un tube digestif du bébé humain à la naissance. On a tous été bébé humain à la naissance à un moment. Et quand on regarde un petit peu ce tube digestif de bébé, on se rend compte qu'il est quasi axénique hein, lorsque la maman l'a en elle. Il n'y a pas de bactéries. Et on voit les bactéries au moment justement de l'accouchement qui se précipitent du tractus génital de la maman vers ce bébé. Un bébé humain, il met 2 années. On a tous mis 2 ans à stabiliser notre propre flore intestinale. Et quand on regarde, quand on fait un séquençage massif sur ces milieux, on trouve de la place pour à peu près un peu plus de 1000 espèces de bactéries. Et on en connaît 480. Donc sur un écosystème aussi proche de nous, puisqu'il est au sein de chacun de nous-mêmes, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Donc imaginez ce qu'il en est pour la forêt tropicale ou les abysses sous-marines. Il n'y a pas de vie sans eau. Hein. Et voilà ce que l'homme aujourd'hui a construit sur cette planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie urbaine prend tout son sens avec des questions qui sont fondamentales sur le retour de la biodiversité en ville. Alors, la biodiversité, en fait, va partir d'une géodiversité ancestrale. Et moi, j'aime beaucoup cet objet du muséum. C'est vraiment pas beau, hein. C'est un morceau de roche qui paraît vraiment très banal. Donc, vous le regardez sans aucun respect, vous le coupez, vous mesurez là-dedans les isotopes du chrome et vous le datez à 4,6 milliards d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place du soleil et de la terre. Vous en pleurez quand on fait une caresse à un objet comme celui-là, c'est absolument extraordinaire. Et sur une géodiversité qui était là au départ, hein, il y avait une mer, il y avait un océan avec de l'eau probablement d'origine extraterrestre, il y avait des vagues, il y avait du vent, il y avait des effondrements de terrain. La biodiversité se construit il y a environ 3,85 milliards d'années à partir de cette géodiversité. Alors je vous ai mis ici les deux écosystèmes les plus riches en espèces. La forêt tropicale humide, je vous ai mis ici la réserve de Bwindi, des gorilles de montagne, dans les Virunga, à la frontière du Congo et de l'Ouganda, où on peut trouver peut-être 50 000 espèces par kilomètre carré. Beaucoup d'insectes, évidemment. Et je vous ai mis ici le milieu le plus riche dans l'océan, c'est l'écosystème corallien. On est aussi au sud de la Nouvelle-Calédonie. Là, on peut trouver 7 à 8 000 espèces sur un kilomètre carré de corail. Le corail en mer a un peu la même signification que la forêt tropicale sur les continents. Le corail, c'est 2,5% de la surface des océans, et c'est plus largement plus du tiers toutes les espèces connues dans les océans. Donc, pour terminer sur une définition très simple, la biodiversité, pour moi, c'est la fraction vivante de la nature, tout simplement. Et pour l'exprimer encore plus simplement, c'est ça, la biodiversité. Hein, quand on montre des beaux catalogues et tout, c'est ça, la biodiversité. Alors, quand je montre ceci aux États-Unis ou en Chine, bien sûr, le Frenchman a toujours ça. C'est sympa, hein. Que serions-nous sans notre vin rouge, notre pain et notre fromage? Tout est là. Ce sont des odes à la diversité biologique. Et l'humain les utilise depuis très longtemps. Gratter une croûte de Cantal, vous regardez les acariens, pendant une semaine vous n'en mangez plus, c'est plein de poils et plein d'épines, et après c'est tellement bon que vous en mangez au bout de quelques temps. Le corps humain est une ode à la biodiversité. Il y a plus de cellules, au moins 10 fois plus, de cellules non humaines dans et sur un humain que de cellules humaines. Et donc c'est notre retour en fait à cette diversité. Et souvent on me dit, mais pourquoi il faut la protéger? Parce que nous sommes la biodiversité. L'humain ne peut pas vivre sans elle. Et je vous rassure, on est beau avec ça. Hein. On serait même pas beau du tout d'ailleurs si ça n'existait pas. Alors l'humain s'est mis à élever quelques espèces. Sur les 2 millions d'espèces connues déposées dans les musées, on en a choisi quelques-unes. Et ces vaches, hein, bien sûr qu'elles sont partout, 1,5 milliard de vaches sur la Terre aujourd'hui, qui nous posent des soucis très importants. Pour produire 1 kilo de viande de vache en culture, il faut 15 000 litres d'eau, 15 mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, cette biomasse de vache est gigantesque, bien plus forte que la biomasse d'humain. Il y a beaucoup de populations qui ne mangent pas de vache, mais ils en ont parce que c'est un symbole, en fait, de richesse. Hein. On peut aller en Inde ou à Madagascar. Donc, ceci pour ramener dans un contexte de simplicité de ce qu'est la biodiversité. Alors, n'oubliez jamais les micro-organismes. Ça, c'est une goutte d'eau de mer à Banyuls, hein. Et on va allumer, en fait, dans cette goutte d'eau de mer, après des travaux de cytométrie en flux, avec des sondes moléculaires, différents êtres vivants de cette masse d'eau. Vous avez des protozoaires, vous avez des millions de bactéries et des milliards de virus. Et si je vous montre ceci sur une goutte d'eau de mer, c'est vrai aussi dans les sols. Je dirais pour moi qu'il y a 3 écosystèmes extraordinaires à travailler. Ça serait bien sûr une goutte d'eau de mer, où que vous la preniez. Ça serait un fragment de sol dans une forêt tropicale. Et ça serait notre biome intestinal au sein de chacun de nous-mêmes, hein, notre tube digestif. Avec ça, je pense qu'on peut raconter énormément de choses. Alors, tout a commencé dans l'océan. Mon histoire a commencé dans l'océan, il y a à peu près 3,85 milliards d'années, dans cet océan ancestral, qui commence à acquérir une stabilité, la vie va apparaître. Alors, je vous ai mis ici la composition de l'eau de mer. C'est tellement stable et c'est tellement constant partout qu'on a pu déposer à Copenhague un volume d'eau de mer qui est l'eau de mer universelle. Imaginez ça pour un fragment de sol ou pour une rivière en douce, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est partout 11 millimoles de potassium. Où que vous alliez, c'est l'histoire ancestrale de l'océan. Et quand le vivant y est apparu, bien entendu, il a dû tirer parti pour pouvoir exister de cet environnement en fait physique. Et moi qui suis un physiologiste, hein, ces relations entre la physique universelle et le biologie qui va apparaître dessus est essentiel. Et l'océan est très très stable. Ça explique pourquoi aujourd'hui on me pose souvent la question. Il y a beaucoup moins d'espèces dans les océans que sur les continents. Il y a à peu près 13% du monde connu des espèces vivantes qui viennent de l'océan. Parce que depuis 100 millions d'années, Il a exactement le même pH, la même pression osmotique, la même température au fond, la même noirceur, on est dans le noir total quand on est à 3 km de profondeur, bien sûr. Hein. Tout est extrêmement stable. Et on dit souvent en sport, pourquoi on change une équipe qui gagne ? L'océan a spécié à son rythme depuis très longtemps. Et c'est quand la vie sortira des océans, beaucoup plus récemment, qu'on verra un petit peu changer les choses. Alors je vous ai mis ici ces origines de la vie rapidement. Donc une image très émouvante, c'est le plus ancien fossile connu. C'est une colonie de cyanobactéries trouvée en Australie, datée à peu près à 3,45 milliards d'années, 3 450 millions d'années. Et je vous ai mis la même que j'aurais pu ramasser avant de venir au collège tout à l'heure dans une flaque d'eau ici en venant là, en plein Paris. Des cyanobactéries actuelles qui ressemblent étrangement à nos cyanobactéries si anciennes en fait, hein, qui vous montrent en fait que l'évolution des formes, elle peut garder une grande stabilité pendant très longtemps. Elles sont toujours là avec nous. Et je dis souvent, hein, dans la mesure où un être vivant vit ici avec moi, au même endroit, au même moment, on a la même histoire évolutive, bien sûr. Alors ensuite, ces bactéries se sont diversifiées, et puis vont se passer trois événements essentiels dans l'océan ancestral. L'apparition du noyau, avec des cellules beaucoup plus grandes, ce qu'on appelle eucaria, et pratiquement au même moment, on est vers 2,2 milliards d'années, la capture de bactéries extérieures qui vont être absorbées par ces cellules, pas digérées, qui vont être des symbiontes. Et on en est rempli. Toutes nos cellules ont effectivement des mitochondries, les petites machines énergiques de la cellule, avec leur propre petit ADN, qui raconte l'histoire de la capture, justement, dans l'océan ancestral de ces bactéries. Et ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Elles sont uniquement d'origine maternelle. Donc on peut retracer l'histoire à travers les mamans, en mesurant les vitesses d'évolution des mitochondries par rapport au noyau des cellules. Donc, le noyau, ensuite la capture de ces bactéries, et les plastes un peu plus tard, chez les végétaux verts. Troisième événement, ça va être la pluricellularité, un gisement au Gabon sur lequel on a travaillé. Et là, effectivement, on a des signatures géochimiques de pluricellularité. Donc, c'est très ancien. Donc, on a dit le noyau, les bactéries qui vont devenir des petits symbiontes de la cellule, la pluricellularité, et le quatrième événement essentiel, c'est le sexe, c'est la sexualité, qui apparaît quelque part. Une sexualité, au départ, c'est pas très branchant, la sexualité chez les bactéries, hein. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, une A, une B, mais elles font un fabuleux process qui consiste à échanger par un transfert latéral des gènes. Et c'est un puissant moteur d'évolution. La sexualité a été extrêmement importante dans la diversification, en fait, du vivant. Alors, là, juste un travail qu'on a publié il y a quelque temps, j'ai regardé un petit peu les espèces marines par rapport aux espèces continentales. Je suis extrêmement intéressé sur cette question. Pourquoi ? Dans le plus gros milieu offert à la vie, qu'est l'océan, c'est 99% en volume, hein, du milieu offert à la vie, et il n'y a plus que 13% des espèces. Alors ça revient à la stabilité que j'évoquais tout à l'heure, et aussi à une histoire, en fait. Il y a beaucoup moins d'espèces, mais beaucoup plus de groupes anciens. Ça, ce sont les 12 groupes. On a classé les animaux en 31 grands groupes, qu'on appelle des phylas. Eh bien, 12 d'entre eux n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Tout est apparu dans l'océan. Il n'y a pas de groupe apparu sur les continents. Certains ont été capables d'en sortir. Cela jamais. Alors, je prends les échinodermes, cher à mon ami Bruno qui est là. On connaît à peu près aujourd'hui un peu plus de 14 000 espèces. Eh bien, ils sont apparus il y a à peu près 600 millions d'années dans l'océan ancestral. Ils n'en sont jamais sortis. Alors, on connaît effectivement les échinodermes. On connaît aussi les tuniciers. Mais qui connaît ici, effectivement, les chétoniates ici, hein, ou les sipuncula, ou les cténozoaires, qui sont des groupes exclusivement marins, certains extrêmement anciens. Alors, l'histoire après va passer sur le littoral. Et vous verrez, c'est très important le littoral. Vous allez voir pourquoi. Donc, pourquoi pendant très longtemps la vie ne sort pas de l'océan ? Pour une raison très simple. Toutes les cellules sont constituées d'eau. Tout ce qui est vivant est fait d'eau. Ça, je ne l'ai pas dit, mais ici, tous dans la salle, c'est 2/3 d'eau. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. On a fait un congrès récemment avec les gens de Neurospin à Saclay. Dans le cerveau humain, l'eau est extrêmement importante. Notre cerveau, c'est 80% d'eau. Ça devrait ramener à beaucoup plus de moins d'arrogance l'humain quand on réfléchit un petit peu à ça, bien entendu. Et vous regardez ici, ce littoral est génial. C'est le mélange entre eau salée et eau douce. C'est l'eau saumâtre. Et quand on regarde les pressions osmotiques, les salinités de ces milieux saumâtres, eh ben, c'est votre sang. Tous ici dans la salle, on a 302 milliosmoles de pression osmotique. On a 140 millimoles de sodium, 100 de chlorure. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la zone littorale. Pourquoi la vie ne sort pas de l'océan au début ? Parce que chaque cellule est constituée d'un milieu qui correspond à de l'eau de mer. Si on prend un corail, une éponge marine, les échinodermes qu'on évoquait. Donc, dès qu'ils se rapprochent de la côte, pour des raisons physiques, l'osmose, c'est de la physique, c'est pas de la biologie, hein, eh bien, lorsqu'elles se rapprochent de la côte avec des membranes biologiques qui les séparent de l'extérieur, l'eau de la rivière va les envahir. Et on revient en arrière. Et c'est parce que, par hasard, sans aucun dessin intelligent, vers 600 millions d'années, des êtres vivants, un peu comme nos crustacés actuels, puis plus tard les poissons, vont inventer un milieu différent, qui va être le sang qu'on a tous ici aujourd'hui, à peu près un tiers d'eau de mer. Et là, on pourra aller vers l'estuaire, on pourra aller vers les continents et aller vers les rivières. Et moi, ce que j'admire beaucoup, c'est le crabe chinois, qui paraît tout bête, un crabe chinois. Et le crabe chinois, il court, il nage dans une eau de mer totalement salée, il va en eau saumâtre, il adore ça, il va en rivière, il court sur la plage et il grimpe aux arbres. Voilà un fabuleux modèle de physiologie extrême, de l'extrême, sans aller chercher des choses extraordinaires, bien sûr. Alors, la vie sort de l'océan, il y a à peu près, j'en parle souvent avec Philippe Janvier, vers 440-445 millions d'années pour la partie justement élaborée du vivant, hein. On pourrait dire les métazoaires, effectivement. Alors, au début, cette vie, elle sort alors d'abord sous forme de cyanobactéries, à peu près un milliard d'années, des plantes qui vont commencer effectivement à s'installer, puis on voit les premiers animaux dit terrestre, hein, ici, bon, celui-là, il ressemble beaucoup, effectivement, à des actuels, hein. Ça, ce sont des mille pattes. Et quelles mille pattes? Des mille pattes de 2,50 m, hein. On est des scorpions de 2,50 m, hein. Je vous rassure, ils n'ont pas passé la troisième grande crise d'extinction. N'empêche qu'ils ont existé à une époque où il n'y a pas de prédation de grands vertébrés dans les forêts du Carbonifère. Donc, c'est extrêmement important pour expliquer comment ce vivant sort de l'océan. Alors, il n'y a pas une seule fois. Le vivant sort plein de fois de l'océan, en différents endroits, sous différentes formes, à différentes époques. Et il explose par la suite. Alors, juste avant d'en parler, j'ai travaillé 18 ans sur les migrations des saumons, qui sont un joli modèle pour comprendre la physiologie extrêmement intéressante à creuser quand on va passer de la rivière vers la mer ou de la mer vers la rivière. On s'intéressait beaucoup à l'époque à un système d'enzymes qui s'appelle la NAK-ATPase. On mesurait dans les microsomes de la branchie une activité enzymatique. On se rendait compte que ces petits saumons se préparaient à partir en mer de façon périodique. C'est pour Patrick Martin aussi qui est dans la salle ici. Et on voit effectivement que ce système enzymatique s'active. Si on ne met pas le petit poisson en mer, ça diminue et ça se réactive. Et il part en mer au moment justement où ces niveaux sont les plus élevés. On est passé au niveau ensuite hormonaux, puisque le contrôle était bien sûr totalement hormonal. Et on a fait toute une mesure. Alors on était les premiers à sortir l'hormone de croissance de poisson, la prolactine. On travaille beaucoup sur les hormones thyroïdiennes. Et on a mis en fait tout un ensemble d'hormones qui bouge à un moment précis de la vie de ces animaux. Et c'est extrêmement intéressant. Un médecin vous dirait, mais ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe là quand vous voyez tout ça bouger au même moment? C'est le moment où l'animal se métamorphose et a envie de partir. Et on a fini avec des amis médecins, quand j'étais encore à Brest, où ici on a regardé un autre transporteur que l'NAK-ATPase, qui est le canal chlore, qui lorsqu'elle est mutée, déclenche la mucoviscidose, hein, qui est quand même une maladie très importante chez l'humain. Et cette maladie génétique récessive autosomale, on l'a beaucoup travaillée simplement en se rendant compte que dans les glandes rectales de requins, et dans les branchies de poissons, il y en avait énormément. Une glande rectale de requin, je dirais qu'il y a deux protéines qui font 50% des protéines, la NAK-ATPase et le canal chlore. Et l'eau de mer, c'est NACL. Donc, vous voyez que ce sont des choses intéressantes. On a pu démontrer comme ça que selon le type de mutation qu'on avait sur le gène du CFTR, on avait des sévérités différentes de la mucoviscidose. La vie sur des océans, une forêt du Carbonifère, 345 millions d'années, avec la vie qui va s'installer. Et vous imaginez les grandes forêts tropicales actuelles, ici une en Afrique, ici une en Amérique du Sud, où on a ici des espèces de façon incroyable. On connaît 125 arbres de Brest au Japon. Puis ils sont bien connus, les arbres, on n'en trouve pas tous les jours, vous savez, hein. Sur 1 km² de forêt tropicale en Colombie, on peut trouver 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. On me dirait, ah, ça sert à quoi tout ça? C'est Haldane qui disait, si Dieu existe en tout cas, il aime les coléoptères. Et c'est absolument vrai, puisque à eux seuls, il faut à peu près 20% de la biodiversité mondiale. Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Gilles Boeuf, la biodiversité de l'océan à la cité, le 19 décembre 2013 au Collège de France. Alors, l'histoire que je vous raconte n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, puisque tout à l'heure, on évoquait les crises d'extinction du passé. Bon, on connaît pas grand-chose avant 600 millions d'années, c'est trop vieux, les fossiles sont... c'est compliqué, on est tout mou, hein, il n'y a pas de cuticule, il n'y a pas de carapace, hein, il n'y a pas d'os, hein, si cher à Armand. Donc, depuis cette époque-là, les géologues ont mis en évidence 1, 2, 3, 4, 5 grandes crises d'extinction. Alors, la crise, on la définit comment? C'est la disparition d'au moins les 3/4 des espèces marines et continentales sur un temps court. Et c'est là qu'on a le problème avec le monde politique aujourd'hui. Le facteur temps est essentiel. Alors quand mes amis physiciens me disent que le temps n'existe pas, quand on discute, c'est compliqué. Hein, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de millions d'années. Même moi qui manipule ça, ou mes amis paléontologues, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'est 1 million d'années ou 1 milliard d'années? Et ces choses vont se produire sur des temps extrêmement longs. Et c'est vrai que quand on mesure à l'époque, on est capable par des nanosondes d'aller chercher des paléotempératures, des paléos contenus en oxygène ou en gaz carbonique de l'eau, et on se rend compte qu'à cette époque, il s'est passé des très grandes crises qui, si elles survenaient aujourd'hui, éteindraient toute la faune littorale. On est ici à Meishan en Chine, où on a la chance d'avoir un gisement sur lequel travaillent des collègues du muséum. On a donc, bien sûr, la fin de l'ère primaire, le Permien, le début de l'ère secondaire, le Trias, et on voit qu'on a beaucoup de fossiles, un peu de fossiles, un petit peu. Il y a un banc ici, le 25, qui est quasi vide. La vie a vraiment failli disparaître. À la troisième grande crise d'extinction, on estime que 96% d'espèces vivantes sont éteintes. La question, c'est sur combien de temps, et surtout, combien de temps il a fallu pour revenir à un état antérieur qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est là que c'est difficile de discuter avec le monde politique, parce que chaque fois, on arrive quand même à des centaines de milliers d'années, sinon le million d'années. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Et ce poète chinois qui disait, en fait, il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. C'est vraiment la question qui est posée ici. Ce papier paru dans les tri s'appelle « How to kill almost all life ». Le débat est lancé sur un papier comme ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a fait la grande différence, qui a fait que l'humain a pris cette importance qu'on évoque ici? Trois grands événements. La domestication du feu. Les premiers foyers attestés et allumés par des humains, ils sont vers 800 000 ans, dans l'Israël actuel. Deuxième grande époque, c'est le néolithique, c'est le baby-boom. On parle de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui avait déclenché agriculture et élevage? Est-ce que c'était le fait que les femmes s'étaient mises à faire beaucoup de bébés? Ou est-ce que c'est parce qu'on avait inventé agriculture et élevage qu'elles sont mises à faire beaucoup de bébés? On pense plutôt que c'est la première hypothèse. On avait commencé à faire des bébés déjà. Et à cette époque-là, il y a 12 000 ans, 14 000 ans, il ne reste plus que Homo sapiens. Il n'y a plus que lui. Les derniers Néandertaliens se sont éteints vers 27 000 ans à peu près. Troisième grande époque, c'est bien sûr, on arrive à la partie énergie, c'est on passe du cheval animal au cheval vapeur, et du jour au lendemain, il nous faut du charbon et du pétrole. Et tout va changer. Et ce qui est très clair, c'est que, quelle que soit l'échéance, on pourrait discuter tous les jours, sur les aspects finis des ressources minérales, ça s'arrêtera bien à un moment. Donc en quelques siècles, on fera disparaître des ressources accumulées durant des centaines de millions d'années. Pour garder de l'espoir en l'homme, bien sûr que j'en garde. Et ça, c'est l'humain. J'ai eu la chance fantastique d'accompagner en fait Jean-Marie Chauvet l'an dernier à la grotte Chauvet. Vous en pleurez. Vous êtes dans ce site extraordinaire. 26 000 et 33 000 ans. C'est deux fois plus vieux que Lascaux. Et vous voyez ces gens qui ont dessiné sur ces parois rocheuses. On sait que maintenant qu'en acoustique aussi, c'est une partie très particulière de la grotte, en tirant un parti fabuleux du volume de la roche elle-même. Je dis souvent, qui dessine comme ça ici dans la salle? Combien étaient-ils? Quelques-uns. Il nous laisse ces lions de Chauvet, ses chevaux. Ils ne sont pas devant eux quand ils les peignent. Ils les ont vus il y a quelques jours auparavant. Les rhinocéros qui ne sont plus à Lascaux, ils ont déjà disparu entre 26 000 et 16 000 ans, l'époque de Lascaux. Et puis aussi, c'est le seul endroit où on a effectivement une hyène et une panthère. Et ça, c'est toute une histoire de la découverte de la biodiversité par Homo sapiens. Il est capable de faire ça. Il est capable de mesurer Ératosthène, ça m'a toujours, mais fabuleusement après, aller calculer la circonférence de la Terre 700 années avant Jésus-Christ. Et on revient à une question, à quoi ça sert qu'on me pose sans arrêt? L'humain adore faire des choses qui ne servent à rien. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que tout doit être organisé pour que ça serve à quelque chose. Réfléchissez à ce que vous faites qui ne sert absolument à rien, plein de choses. Et vous en tirez un plaisir immense. Alors l'agriculture arrive, bien sûr, avec l'élevage. À l'époque, on est 5 millions d'humains sur la Terre. 5 millions. Tout à l'heure, on évoquait la démographie. 700 millions à la Révolution française. Premier milliard vers 1830. 3 milliards en 1960. 7 aujourd'hui et 9 demain. C'est une vraie question, bien sûr. Alors, je dis souvent, il y a des humains sans agriculture. Des petits lots d'humains, une vingtaine de personnes, qui ne peuvent que chasser, cueillir et pêcher. Il n'y a pas d'humanité sans agriculture. Et voilà, aujourd'hui, l'humain, c'est ça, en fait. Alors, on part d'un petit village catalan pour aller vers les grandes villes. L'humain s'est agrégé comme ça. Et on nous dit, vers 2025, on sera pratiquement plus de 70% des humains dans les villes. En 2007, on a basculé d'un humain rural à un humain citadin. Alors, la ville, Paris, a fait un plan de diversité qu'on a adopté il y a maintenant, ça fait juste 2 ans. Donc, renforcer les continuités écologiques, intégrer la biodiversité, la faire connaître, la faire aimer, changer les comportements, avec beaucoup d'actions d'ailleurs qui se font via les sciences citoyennes, avec Viginature en particulier. Et vous savez où on a le plus de biodiversité à Paris aujourd'hui? Dans les cimetières. Le Père Lachaise à 5 heures du matin, c'est génial. Il n'y a pas encore de loups, mais ils ne vont pas tarder en fait. Il y a des renards, il y a des fouines. Et les humains qui sont là ne gênent pas trop la biodiversité. On a des zones calmes, tranquilles, et on fait beaucoup de travaux, nous, au muséum, sur la biodiversité des cimetières parisiens. La ville, c'est spécial. Alors, c'est très intéressant au niveau physique aussi. Alors, on refait des jardins sur les toits, hein, de plus en plus sur les murs. Ça, c'est une carte thermique de l'épisode 2003, de la canicule en août 2003. On voit que partout où il y a de la verdure, hein, pour parler de façon très un peu triviale, il fait beaucoup 3-4 degrés de différence. Ça chauffe très fort là où il n'y a pas effectivement de vie organisée. Alors, tout ceci a amené un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, entre 2000 et 2002, à faire une proposition qui a beaucoup plu aux écologues, anthropocène. La fraction de l'époque de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais l'essence d'une espèce. Et je fais référence à mon ami Robert Barbeau, que j'évoquais en début de conférence, qui a écrit ce livre en 2006. L'humain a joué le rôle d'un éléphant dans un jeu de quilles, en modifiant, en touchant, en perturbant beaucoup de choses. L'humain est capable de faire des choses assez extraordinaires, même de perturber le climat. On en parle souvent avec Édouard ici, bien sûr. Alors, regardez un travail dans Science qui nous dit simplement « Fall of the Wild ». Ici, c'est toutes les espèces qui disparaissent. On a mis les espèces marines, les espèces continentales, les espèces d'eau douce, l'ensemble des vertébrés. Et c'est parti assez récemment. Sur les pêches, il n'y avait pas de vrai problème de pêche avant les années 50. Les baleines avaient déjà été abîmées. Mais à part les baleines, en 15 ans, Philippe Curie nous dit, à l'IRD, on a extirpé entre 50 et 90% de tous les individus des grands poissons pélagiques. Et vous avez vu les débats ces jours-ci sur les pêches profondes. Ça, c'est l'érosion minérale. Voici ce que la nature enlève à la planète tous les ans par l'érosion classique, ça bouge pas, hein. 7 milliards de tonnes par an de sédiments divers, hein. Les vents, les marées, l'eau qui ruisselle. Hein. Vers l'an 1000, l'humain extirpe autant que la partie non humaine, et aujourd'hui, c'est une échelle logarithmique, on est à peu près à 100 fois au-dessus. Donc l'humain touche à tout. On regarde aujourd'hui la biomasse des mammifères, on connaît à peu près 5000 espèces de mammifères. Donc on a estimé le poids de tous les individus des 5000 espèces de mammifères. On arrive à un chiffre, eh bien l'humain, avec les animaux domestiques, c'est 90% de cette masse. Qu'on arrête de nous faire croire qu'on n'a pas d'importance, bien sûr, sur nos environnements. C'est considérable. Alors, il y a beaucoup de travaux très récents et très intéressants qui sortent. Ça, c'est dans Nature l'an dernier, où on va nous recalculer justement les impacts. Alors, c'est un travail qui est fait par des dizaines de chercheurs. Cette nature qui nous entoure, cette biodiversité, qu'est-ce qu'on va en tirer? Et on montre justement que c'est pas uniquement un catalogue, comme j'évoquais tout à l'heure, qu'on peut mesurer ici, en gènes, en espèces ou en traits fonctionnels. On va regarder le fonctionnement de ces écosystèmes. Et c'est une courbe de cet ordre-là que l'on met en évidence, effectivement. Plus il y a d'espèces, plus il y a de la fonctionnalité, jusqu'à atteindre une préasymptote ici. Et ça, c'est les valeurs les plus hautes ou les plus basses. Et aujourd'hui, les perturbations qu'on va créer vont nous amener à des systèmes où on peut très bien fortement régresser en nombre d'espèces, et surtout, beaucoup plus grave pour nous, en fonctionnalité de ces écosystèmes. Parce qu'on va en tirer, bien sûr, ce que le MEA, en 2005, qui était le Minimum Ecosystem Assessment, un travail de 1400 écologues du monde entier, qui mettait en évidence l'état de la planète et qui disait les espèces, elles s'en vont à un rythme entre 100 et 1000 fois plus vite que ce qu'on a pu calculer jusqu'à présent, grâce aux travaux de la paléontologie, et surtout, il mettait en évidence les services rendus par les écosystèmes. Ce qui est gratuit pour nous aujourd'hui, peut-être que demain, il ne le sera plus, si ces espèces s'en vont. Alors, ça va nous servir effectivement également à travailler pour en tirer des produits, je pense à l'industrie, par exemple, des cosmétiques, des produits extrêmement intéressants, et aussi à ce qu'on puisse faire des prévisions. Et là, il nous faut une union très forte de recherche fondamentale entre des mathématiciens, fondamentalistes et appliqués, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des écologues, et également vers les sciences de l'homme et de la société, bien entendu. Il nous faut aussi des sociologues, il nous faut aussi des économistes et des philosophes. On revient à Lascaux, à Altamira ou à Chauvet, ils sont partis. Et là, très récemment, les éléphants nains des îles de Méditerranée, le pigeon migrateur américain, ici le dodo dans les îles de l'océan Indien, l'île Rodrigue, le pingouin arctique, et en 2007, l'agence Chine Nouvelle nous annonce la disparition définitive du BEJ, le dauphin du Yangtze-Kiang, qui s'est éteint dans l'indifférence générale. On me dit, mais après tout, on s'en fiche de ton dauphin, il vivait en Chine. Ce dauphin vivait dans des fleuves tellement chargés en particules que les yeux ne servaient à rien. Il avait un système de sonar, d'écolocalisation, le plus beau que la nature ait jamais inventé. Il est parti, dans l'indifférence totale. Lui, on le découvre, et 100 ans après, le dernier est mangé par des chiens. C'était immangeable, le dodo, hein. On l'a quand même détruit. On l'a battu à coups de bâton. Alors on me dit, bah oui, tu comprends, un oiseau qui ne volait pas, de toute façon, bah oui, mais il ne serait pas éteint à ce rythme-là, bien entendu. Il y a même une histoire d'une île de l'océan Indien où une espèce d'oiseau sans ailes a disparu à cause, non pas d'une espèce, mais d'un seul chat. Hein, le gardien de phare avait un chat, et le chat, il a bouffé toutes les espèces, tous les oiseaux sans ailes de l'île en question. Alors, un travail récent aussi publié dans TRI, où ils ont regardé, en fait, l'évolution donc, de la population humaine, et ils ont comparé aux émissions de CO2 et également aux pêches maritimes. Et on voit que les pêches maritimes, depuis 25 ans, ça ne bouge plus. On est au taquet, on est au plafond, malgré des bateaux de plus en plus puissants, extrêmement performants, on ne débarque pas plus. Et maintenant, on va attaquer, bien sûr, les milieux profonds, qui sont très stables depuis très longtemps. La moindre perturbation à 2000 mètres de fond sera beaucoup plus impactante que sur une zone littorale. Et là, on a calculé quels ont été les progrès que l'humain a fait pour pouvoir justement croître au niveau démographique. Alors, on part de l'invention de l'arc, ici, la domestication, la roue, les villes, l'irrigation, l'âge du bronze, puis après, les âges des métaux, les chemins, les moulins à eau, la poudre noire, les moulins à vent, la machine à vapeur, et tout récemment, les vaccins, bien sûr, la combustion interne des moteurs, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs et la révolution verte agricole. Donc ce sont des exploits technologiques qui nous ont amenés effectivement sans contrôle à permettre brusquement des choses qui... C'est quand même une branche d'hyperbole qui est assez inquiétante, bien sûr. Alors, question posée par des collègues américains paléontologues dans Nature il y a 2 ans, sommes-nous en train de mettre en place les conditions d'une 6e grande crise d'extinction pour des raisons de destruction et de pollution, des raisons de surexploitation, hein, les grands thons qui s'en vont ici dans l'océan Indien, on pêche de plus en plus petits, de moins en moins d'espèces. Nos collègues de l'IRD ont fait de très beaux travaux récemment là-dessus. Ils nous montrent en fait que même les subventions européennes sont délétères sur le système. Et même créent des problèmes économiques de compétition complètement, on triche, par rapport aux pays du Sud, pour aller prendre des ressources qui sont très très mal gérées aujourd'hui. Ici, 3e raison qui est plus insidieuse, mais qui nous frappe beaucoup, c'est la dissémination d'espèces invasives. Ce petit dinoflagellé, là, on le connaît bien au laboratoire en Méditerranée, il est très sympa, mais il émet une toxine qui vous tue un humain en 20 minutes. Une toxine paralysante. Et on le transporte partout. Un pétrolier géant, 300 000 tonnes d'eau de mer de Rotterdam, qu'on va relarguer à Abu Dhabi ou à Oman, par exemple, sans aucun contrôle. Tous les jours, on échange 3 000 espèces vivantes par jour sur ces bateaux géants. 12 milliards de tonnes d'eau de mer échangées tous les ans. Remplies de bactéries, de virus. Regardez, des bactéries, des salmonella, qui sont dans des tankers géants. Cette micro-méduse arrive en mer Noire en 1980. 10 ans après, elle fait 1 million de tonnes de biomasse. Elle est venue sans ses parasites et sans ses prédateurs. Elle effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Une culture qu'il faut qu'on développe, c'est la culture de l'impact. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on réfléchisse à ce que ça va entraîner, ce que ça peut entraîner. Et ça changera beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et enfin, dernière raison, j'ai mis qu'en 4e, le climat. Et le climat dans l'océan, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des océans. Tout ceci, bien sûr, nous inquiète. Et ça, c'est un travail qui me plaît beaucoup, un travail qui a été publié par mon ami Philippe Bouchet. Ça, c'était des concours de pêche en Floride, à Key West. 1926, 57, 80 et 2007. Et vous savez que le mâle blanc européen devenu américain, sa virilité se mesure à la taille du truc. Hein. Donc on a l'énorme poisson que j'ai pêché. Eh bien, regardez, en 2007, il gagne avec 240 grammes. La virilité a pris quand même un sacré coup. Ça, c'est intéressant. Alors, à partir de documents comme ça, on peut faire de la très belle science. J'ai regardé, par exemple, tous les records du monde de taille de poissons d'intérêt halieutique. Tout, le plus grand thon rouge, le plus grand espadon, la plus grande dorade, le plus grand maquereau, tous antérieurs à 1950. Les animaux grandissent toute leur vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas devenir assez vieux pour grandir. Une morue comme ça, regardez, 1902, des morues de 250 kilos. La plus grande morue ne fait pas 50 kilos aujourd'hui. C'est la même espèce. Alors ça, c'est un gros problème aussi pour nous, c'est l'acidification globale de l'océan. Elle est partout, elle est absolument partout. L'océan a perdu sur 40 ans 0,1 point pH. On dit 0,1 point, c'est pas beaucoup. Échelle logarithmique. Ce qui veut dire que, mathématiquement, l'océan est 30% plus acide qu'il était il y a 30 ans. Et on sait qu'il sera 50% plus acide à la fin de ce siècle. Perturbation très importante sur la construction des squelettes de coraux et sur les coquilles de coquillages. Là, c'est pareil. Va-t-on être capable de s'adapter? Va-t-on avoir des extinctions massives? C'est des questions extrêmement importantes qui sont posées, également au plan économique. On fait des calculs maintenant sur l'ostréiculture. Les huîtres ne pourront plus construire leurs coquilles. À quelle échéance? Dans combien de temps? Comment? Vraie préoccupation. Et là, c'est totalement lié aux émissions de CO2. Hein. Vous savez que les gens discutent encore sur l'influence de l'homme sur le climat, mais je veux bien. Il faut de très mauvais soins pour quand même le dire qu'il est pour rien, ça c'est clair. Mais ce qui est très clair, en tout cas pour moi, c'est que pour le pH, c'est totalement lié. On mesure les émissions de CO2, ce qu'on ne retrouve pas ensuite dans l'atmosphère et dans l'océan, crée bien sûr cet acide carbonique qui acidifie l'océan. Or, le pH de l'océan, il est à 8,18 depuis 100 millions d'années. Et en 30 ans, on est rendu à 8,08 et on sera à moins de 8. L'océan ne sera jamais acide, il ne peut pas être acide de par les effets tampons de l'océan. Mais cette acidification est très, très préoccupante. Alors, l'UICN nous dit, voilà les espèces qui ont disparu sur 4 siècles, environ 900 espèces terrestres, et en mer, 18. Alors, dans ce cas-là, de quoi vous vous plaignez? 18 espèces qui ont disparu en 4 siècles, c'est pas très méchant. Ça veut dire deux choses. Que d'abord, pour un scientifique, il faut être très présomptueux pour dire que telle espèce a disparu de l'océan. Vous ne savez jamais s'il n'en reste pas un quelque part, c'est sûr. Et que ce critère n'est pas bon dans l'océan. Ce qu'il faut qu'on regarde, ce sont les vitesses de diminution des stocks. L'effondrement des stocks, ça, c'est un vrai critère intéressant pour nous, beaucoup plus qu'un taux d'extinction. Alors voilà, les ONG se battent pour ça. Il y a plein d'amis dans la salle ici. Puis ils disent, de toute façon, si on ne se bat pas pour ça, de toute façon, on n'aura pas d'argent. Si on se bat pour la puce des Bermudes, dont je préfère le tigre et le panda, on discute souvent de ça un petit peu pour discuter avec eux. Scientifiques, nous, on se bat pour sauver le vrac, comme je dis souvent. Même la puce, j'ai même mis une puce, vous voyez. On dit, vous voulez sauver les puces? Mais oui, bien sûr, tout. Hein, il faut qu'on garde, effectivement. On ne va pas avoir un monde où on va enlever les trucs qui nous embêtent. La nature n'a pas inventé des espèces pour embêter les humains. On a un conflit avec les chasseurs en ce moment qui refusent d'abandonner le mot nuisible, comme si la nature avait inventé des espèces utiles et nuisibles. Et enfin, tout ceci lié à une espèce qui se met à proliférer. Ça, c'est une plage dans le sud de la France, le 20 août, où on vient s'agglutiner et s'agglomérer. On vient de Hollande, on vient d'Allemagne, et on veut notre petit mètre carré. On a économisé toute l'année pour venir s'installer là. Alors, vous savez que, sans mesurer ici dans l'eau, on l'a fait aussi, hein, je connais le niveau de streptocoque fécaux qu'il y a dans l'eau le soir à 18h. Hein. Chacun ses fantasmes, on pourra dire, en fait. Hein. Alors, tout ceci, pour revenir à des points très scientifiques, un papier dans Science nous dit, voilà, la biodiversité, elle s'en va, les pressions dessus augmentent et les bénéfices que l'humain en tire diminuent. Et si on nous dit, si on ne change pas, on va vraiment vers une sixième grande crise d'extinction. Très beau papier ici, l'an dernier, qu'on a publié au Monde Rio. Et là, ils ont montré les relations entre l'indice, le changement climatique, les pertes de diversité biologique et la pauvreté. C'est parfaitement corrélé. Quand ça va mal, qui trinque en premier? Les gens à la périphérie des villes, les femmes. C'est un débat qui est extrêmement important. L'écologie, elle est aussi à ce niveau-là. Et ici, on nous montre effectivement qu'on a agricolisé la planète. Là, c'est la Révolution française. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié en agro-système. Alors, si on continue comme ça, ben, demain, la Terre sera un gigantesque agro-système. Bon, l'océan s'y prêtera assez mal. N'empêche que, comment va-t-on faire pour revenir en arrière, hein? Et ça, on n'a jamais fait ça. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Et le défi est total. Il faut produire plus, parce qu'on est plus, mieux, sans empoisonner les gens, sans gaspiller l'eau, sans augmenter les surfaces agricoles indéfiniment et sans perturber la biodiversité. C'est un vrai, vrai, vrai sujet de recherche très fondamental, mais très pluridisciplinaire aussi. Un beau travail ici de collègues dans Nature en dernier de l'INRA de l'Est de la France. On avait modélisé dans les années 2000 le changement climatique qui allait entraîner des migrations dans l'hémisphère nord vers le nord des espèces, le hêtre ici, le chêne. Et quand on regarde maintenant 10 ans après, ben, ils n'ont pas eu le temps. Les arbres en montagne ont réussi à monter à peu près comme le modèle l'avait imaginé. Ils ont monté de 100 mètres hein, sur à peu près 18 ans. En pleine, ben, ils n'arrivent pas. Un arbre, il ne sort pas ses racines, il va se balader. Il faut qu'il émette des graines. Hein, et on voit ici qu'ils ne font pas le chemin. Ils n'ont pas le temps. Depuis les origines du système, en fait, ça bouge, ça change, tant mieux. C'est ça qui a créé la spéciation, la vitalité du vivant sur la planète. Mais il ne faut pas que ça change trop vite. Le problème, c'est l'accélération des systèmes aujourd'hui qui m'inquiète. Ce n'est pas les valeurs absolues, ni en CO2, ni en pH, ni en température. C'est que ça va trop vite au niveau du changement. Et c'est un beau travail publié par des collègues de Grenoble l'an dernier, aussi dans Nature, où ils ont mesuré sur les plantes, les oiseaux et les mammifères pour l'Europe. Ils ont travaillé sur l'Europe. Ils ont calculé effectivement les vitesses de disparition. Ils ont montré également comment la phylogénie, hein, c'est-à-dire toutes les relations entre les êtres vivants entre eux, expliquées au niveau de l'évolution par rapport aux espèces elles-mêmes, changeaient. Ils ont fait une cartographie. On se rend compte que si on continue comme ça, on n'aura pas plus d'espèces que celles de la Scandinavie dans quelques temps, toujours les plantes, les oiseaux et les mammifères, hein, ici à la fin du siècle. Donc on a vraiment une perte importante d'espèces, mais aussi de capacité à réagir dans cette diversité, dans cette génétique de base qui compose effectivement le vivant. France Culture et le Collège de France vous présentent Gilles Boeuf sur les enjeux de la biodiversité pour sa leçon inaugurale. Le vivant, c'est merveilleux parce que quand ça change, quand le milieu change, il oblige le vivant à réagir. On montre très bien, nous, que les spéciations se font au moment des grands changements. Ce qui fait que l'humain, aujourd'hui, crée des conditions incroyables de changement. Incroyables. Donc, on crée des conditions pour que des espèces nouvelles apparaissent tous les jours. Mais comme on détruit au fur et à mesure les écosystèmes, elles n'ont pas le temps d'apparaître. La question, elle est là aujourd'hui. Ici, un travail récent aussi publié aussi dans Science. Ça, c'est l'évolution thermique sur la durée dans le temps. Effectivement, ce qui se passe est inquiétant. Et on montre comment la question qui est posée, c'est comment va réagir le vivant face à cette variation de température en matière de réceptivité à cette température, de sensibilité à cette température, de vulnérabilité ici aussi. Les réponses peuvent aller sur rien du tout, un affaiblissement partiel ou des extinctions. Ils ont fait un beau travail ici dans un parc américain à Yosemite en Californie sur des petits rongeurs. Ils ont travaillé avec une très grande précision sur les répartitions des rongeurs au sein du parc. C'est très beau au niveau des résultats. Ils montrent que sur très peu de temps, on a complètement modifié la répartition en fait de ces petits micromammifères. Eux s'éteignent à une très grande vitesse aussi, où les populations s'amenuisent beaucoup trop. Ici, un travail, bon, c'était le grand travail en 2009, on en a beaucoup parlé, de Rockström avec ses collaborateurs, où ils ont en fait calibré en 7 grandes menaces qui pèsent sur la planète aujourd'hui. Donc vous avez effectivement les terres agricoles, les émissions, les épandages d'engrais, vous avez les cycles, vous avez ici l'azote sur les champs, bien sûr, les variations au niveau de la composition de l'atmosphère, l'acidification de l'océan, le changement climatique. Et ils montrent que tout ce qui est vert est supportable, alors que ce qui est rouge va être extrêmement difficile, en fait, au niveau de l'adaptation qu'il va falloir fournir. Et la biodiversité, elle a explosé. Elle sort du cadre de la courbe, là. On peut même pas la mettre dans la courbe tellement c'est extraordinairement impactant par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est le cas aussi pour les épandages azotés sur les grands cycles biogéochimiques sur les champs et à moindre niveau ici sur l'eau et puis sur l'usage de l'eau douce ici et puis sur les transformations agricoles. On est sur des choses qui sont extrêmement importantes. Le changement climatique est là aussi, bien sûr. Ça, c'est extrêmement intéressant pour réfléchir à ce qu'il faut qu'on mette en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour terminer, eh bien, l'humain fait des conférences. On est excellent pour faire des conférences. Rio en 92. C'était bien Rio en 92, moi j'étais tout petit là, mais on démarrait quelque chose, on disait, c'est vrai, on y croyait tous. Il y a eu une espèce d'œcuménisme, il y a eu un peu comme dans le Grenelle en France, on avait envie de faire quelque chose. Tous les mondes divers et variés avaient envie de faire quelque chose. Et puis on crée la Convention sur la diversité biologique, toujours d'actualité aujourd'hui. Celle de Johannesburg, alors là, fabuleux. On dit à Johannesburg en 2002, nous nous engageons, nous, Nations Unies, à freiner, et l'Europe dira, à arrêter l'érosion de la biodiversité pour 2010. Et j'ouvrais la conférence de l'UNESCO les 25 et 26 janvier 2010. Et là, on disait, ben, écoutez, on a tout raté. On avait le papier dans Nature juste avant qui montrait justement que ça n'avait jamais été aussi mal que ça. Et là, je vois l'optimisme de l'humain. Alors, il y a un beau papier pour les collègues des neurosciences publié dans Neurones récemment, qui n'est pas une revue écolo, Neurones, où ils disent effectivement... L'humain est une espèce incroyable dans sa capacité, face à l'adversité, à garder de l'espoir. Et c'est notre réussite, elle est là, notre réussite. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de mal aux autres qui sont à côté. C'est ça un peu le problème, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'ici, on nous dit, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que fait l'humain en 2010? Ben, écoutez, c'est pas grave. On remet l'échéance à 2020. Que 2019, c'est pas terrible. 2020, on arrête l'érosion de la biodiversité. Et je faisais une conférence à l'École normale supérieure, ça devait être le 23 décembre 2009. Et je dis à mes étudiants, voilà, on va vivre un grand moment. Dans 10 jours, on va vivre l'arrêt de l'érosion de la biodiversité. Et je revois le 4 janvier, on a tout raté. Alors là, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien, c'est bien, mais tout ce qu'on a raté entre 2002 et 2010, pourquoi on va le réussir entre 2010 et 2020? On est en 2013, c'est bien pire qu'en 2010. Alors on va réussir à la dernière semaine de 2019. C'est là qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Il faut qu'on change. Tout le monde est d'accord pour changer, mais comment on change? Et puis la conférence de Rio en dernier, on a oublié l'océan, on a oublié la biodiversité l'an dernier à Rio. Et puis ici, bien sûr, les conférences environnementales en France, on fait des belles conférences, il n'y a pas de scientifiques. Je suis allé parce qu'on m'aime bien, on dit, bon, Gilles Boeuf, c'est pas qu'un scientifique, je suis allé. J'ai présidé le groupe biodiversité, mais il n'y a pas de scientifiques. Comment voulez-vous qu'on réfléchisse sereinement dans ce pays sur les conséquences de tout ce qu'on évoque ici, sans connaissance scientifique? Il n'y a aucune base, d'abord pour les mettre en évidence, deuxièmement pour être capable d'analyser sereinement ces questions-là, et deuxièmement de proposer des choses. Avec une intime relation entre les sciences classiques, la physique, la chimie, la biologie, et les sciences de l'homme et la société, bien entendu. Alors ici, bon, on démontre que les pertes de diversité biologique amènent toujours à des recrudescences de pathologies infectieuses. On transporte. L'homme ne crée pas vraiment des virus nouveaux ou des bactéries nouvelles, mais il crée des conditions de virulence et de transport comme jamais, en fait. Et on voit aujourd'hui, un avion vous transporte une maladie infectieuse d'un bout à l'autre de la planète en quelques heures, en fait. Donc on est vraiment confronté à ça en permanence. Alors regardez ce qu'on tire de la biodiversité. Moi qui suis un marin, j'ai regardé le marin. Eh bien ici, par exemple, on a trouvé 25 000 molécules d'intérêt pharmacologique ou pour des produits cosmétiques qui viennent de l'océan. Antitumoraux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, tout ça vient de la diversité biologique. Et des fois, de bestioles, mais alors, qu'on aurait écrasées d'un coup de talon. Hein. Il n'y a pas que les vaches, les éléphants et les girafes. Hein. Et c'est là, justement, vous aviez Eric Kandel hier, hein, les prix Nobel, regardez les prix Nobel de physiologie, de médecine et de chimie, obtenus grâce à des espèces apparemment insignifiantes. Metchnikoff, la phagocytose, il travaille sur des étoiles de mer, Metchnikoff. Charles Richet travaillait, lui, sur les venins de méduses. D'ailleurs, on célébrait à la principauté de Monaco, il y a 15 jours, le seul prix Nobel obtenu grâce aux travaux de la principauté, Charles Richet, le prix Nobel de physiologie, en 1913 pour sa découverte du choc anaphylactique. Von Warburg travaillait sur les vagues calciques qui empêchent un spermatozoïde numéro 2 de rentrer dans l'ovocyte après la fécondation, des oursins. Hoskin Huxley, un fabuleux prix Nobel en 1963, c'est la transmission de l'afflux nerveux grâce à l'axone de Kalmar, qui est 1000 fois plus grand en section que l'axone humain, que le nerf humain. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, n'empêche que tirer parti de cela, Jean-Pierre Changeux connaît bien ces questions-là, c'est ça l'intelligence du chercheur, d'aller chercher le modèle qu'il lui faut par rapport à la question qu'il a posée. Eric Kandel, que vous aviez dans vos murs, hein, travaillait sur des limaces de mer. Hein. Il va travailler sur les bases moléculaires de la mémoire. Tim Hunt, bah écoutez, c'est la découverte de la molécule clé du cancer. Le couple cyclin-kinase, grâce à une étoile de mer. Il a le prix Nobel en 2001. Shimomura, c'est des protéines de fluorescence verte de méduse. Et le trio Sostak, Blackburn et Guider, en 2009, a son prix Nobel, grâce à un truc vraiment qui vit dans les flaques d'eau, qui s'appelle tétrahyména, qui n'intéresse personne, mais qui a été prodigieux pour nous faire comprendre les raccourcissements des télomères et les mécanismes profonds du vieillissement, mécanismes universels. Cette biodiversité, elle est là pour nous les apporter. Alors, ne la laissons pas partir. Pour terminer, quelques notes d'espoir quand même. Donc, effectivement, on a quelques travaux en ce moment qui nous montrent qu'on a des reconversions. Un travail intéressant ici dans Tri, il y a 2 ans, où il montre que face à des perturbations, ça peut ne rien faire sur les espèces. Ça peut les faire diminuer puis revenir à un niveau normal, et ça peut aussi les faire disparaître, bien sûr. Et on montre qu'on a toute une série d'étapes, d'espèces qui peuvent disparaître, s'éteindre, d'autres qui vont s'amenuiser puis revenir. La morue n'est pas revenue, par exemple, à Terre-Neuve. Hein. Donc, vous avez ici un recouvrement partiel. Ici, on peut revenir au niveau antérieur. Tout est possible. Ici, ils ont pris 4 exemples. Ils ont pris ici une baleine. Là, c'est la baleine franche arctique. Ici, ils ont pris un canard, 2 canards avec l'aider. Ici, ils ont pris la tortue verte. Ici, c'est un requin. Non, 2 requins. Et vous voyez que ça peut fonctionner, pour peu qu'on s'y intéresse. Tout à l'heure, c'était vrai ce qu'on disait. L'humain, on peut plus dire aujourd'hui, on ne savait pas. On sait. Et ça fait pratiquement 1 siècle que l'on sait. L'humain est fabuleux. Bien sûr, il peut faire tout ce qu'on vient de voir ici, mais il peut aussi tout reprendre. Ça veut dire qu'il est le seul encore capable de sauver le système. Quand il aura compris que son bien-être à lui est totalement relié à ça, ça changera beaucoup de choses. Il faut perdre son arrogance, ça changera beaucoup de choses. Je termine donc sur les aspects de réconciliation, écologie, économie. Aujourd'hui, effectivement, il faut surtout mieux partager les ressources. Comment continuer dans un monde où 20% de toutes les ressources de la planète sont contrôlées, gérées, utilisées par 80% des ressources par 20% des humains? C'est pas possible. Vous vous souvenez, il y a 4 ou 5 siècles, quand ça allait très mal au niveau économique en Europe, on avait les épidémies de peste noire. Qu'est-ce qu'on a fait? À un prix éthique et moral monstrueux, on allait mettre en esclavage l'Afrique, l'Amérique et puis l'Asie du Sud-Est. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Ça ne marche pas. On n'a qu'une planète. Donc ce partage, il est absolument fondamental, bien sûr. On a calculé les empreintes écologiques, on s'est rendu compte qu'on vivait au-dessus de nos moyens, puisque si on ramène en fait notre empreinte à une surface agricole, en gros, on calcule une surface qui correspond à ce qu'il vous faut pour produire votre consommation alimentaire et pour purifier tout ce que vous avez pollué. C'est environ 5 hectares pour un Français, 7 pour un Américain. Vous multipliez 5 hectares par le nombre d'humains, il faut 3 planètes. Donc on s'est dit, on va revenir un petit peu en arrière, et on a regardé comment des pays qui vivent à 1,8 hectares, ce qui est disponible, vivent par rapport à nous. Ça, c'est très schématique, mais ce n'est pas inintéressant sur le fond de la réflexion. Pour terminer, les aspects économiques, ça c'est le PIB français. Ça c'est l'accroissement du PIB en France depuis les années 40. C'est une branche d'hyperbole qui descend, hein. Et là, vous avez le plus grand projet minier d'aujourd'hui, construit en Nouvelle-Calédonie. C'est plusieurs milliards, hein, pour chercher du nickel, qui va partir exporter vers la Chine ou vers la Corée. Et c'est des questions extrêmement intéressantes à regarder. Et Robert Costanza, qu'on n'aime pas beaucoup, Jacques, nous disait récemment à Paris, quand il est passé, la croissance du PIB aujourd'hui n'est plus du tout un marqueur de progrès, de bien-être. Il l'a été à une époque, probablement. Et c'est là qu'il nous faut de nouveaux marqueurs. Le PIB, ce n'est pas un marqueur de bien-être aujourd'hui. Il disait à un moment d'ailleurs, pour continuer à croire à une croissance exponentielle dans un monde fini comme aujourd'hui, il faut être soit un fou, soit un économiste. Alors je dirais un économiste conventionnel, hein, quand même pas. Il y a des beaux travaux qui sont faits en économie que j'admire beaucoup. Il faut travailler de façon commune. Ça, c'est un travail qu'on fait avec Jean-François aussi qui est là, sur les modélisations justement des durées de vie, puisqu'on se rend compte que depuis quelque temps, les durées de vie qu'on croyait acquises pour toujours, on vit de plus en plus vieux. C'est un fabuleux progrès de la médecine, de la technologie. Les Français ont gagné 35 ans en un siècle. Mais ça y est, on est aussi au taquet. Les femmes françaises ont perdu 3 mois d'espérance de vie l'an dernier. Les Américaines et les Japonaises, ça fait quelques années qu'elles perdent de l'espérance de vie. Et je ne vous raconte pas ce qui s'est passé à la chute de l'URSS en Russie. 10 ans d'espérance de vie perdue. Vive la vodka. Mais ça veut dire qu'effectivement, on est sur des systèmes où lorsque vous avez une dégradation de tissu social, on arrive à des choses qui amènent à des résultats comme ça. Donc ce qu'on croyait comme tenu pour toujours ne l'est pas forcément. Il faut que, sans arrêt, on se remette en question pour garder ce qui est réellement un progrès. Ici, on a modélisé la démographie, la consommation énergétique par personne et l'espérance de vie. Et on conclut, écoutez, ça risque effectivement de diminuer. Pour finir, donc, voici l'économie actuelle, économie très anthropocentrée. On détruit les écosystèmes, on surexploite pour faire de la richesse. C'est absolument pas durable. Voilà les traces de chalutage profond à 1200 mètres. C'est ça le fond de l'océan aujourd'hui, quand sont passés les grands chaluts profonds. Et je vous ai mis ici à côté ce qu'il faudrait qu'on fasse, une économie beaucoup plus éco-centrée, où là, il faut bien sûr travailler tout à fait différemment, le vivre ensemble qu'on évoquait, qu'on trouve de nouveaux marqueurs, non pas d'un progrès strictement financier, mais d'un progrès du bien-être. Et on peut très bien imaginer des croissances zéro, c'est parfaitement envisageable, hein, avec une solidarité écologique, économique et sociale. Et ça, c'est les conditions d'un vrai développement durable dans le futur. Dernier travail, un travail publié il y a quelques temps par des collègues britanniques, il y a quelques mois, très bien fait, où ils ont analysé tous les écosystèmes en fait de culture en Grande-Bretagne. Ils les ont modélisés en fonction effectivement des directions spatiales des écosystèmes agricoles, en tenant compte de nouvelles considérations qu'on n'avait pas regardées auparavant. Ils arrivent à des conclusions extrêmement intéressantes en montrant que si on réfléchit un peu plus à l'avance, on peut aller vers des développements qui seront beaucoup plus soutenables que ce qu'on fait aujourd'hui. Revenir par exemple, arrêter la monoculture intensive. Même en terrain agricole, produire plusieurs espèces de plantes sur le même terrain agricole. Voilà, alors on pourrait aussi, Clément Sanchez qui aime beaucoup pratiquer ça ici au collège, et puis mon ami Jacques Livage aussi, bien sûr, de la bio-inspiration, aller chercher dans le vivant des idées, pas le copier, j'aime pas trop bio-mikwai, non, bio-inspiration. On va regarder des formes, on va s'en inspirer de formes, de mécanismes, de relations durables. On raconte souvent les histoires ici des winglets sur les avions ici, ou en regardant les grands rapaces qui volaient, on se rendant compte qu'ils allaient atteindre les plus grandes vitesses de vol quand ils remontaient les rémiges au bout des ailes. À l'époque, on n'avait pas compris la physique du système, hein. On les a mis sur des avions. 20% de carburant gagné. Voilà. Pour terminer, donc, cette biodiversité, c'est à la fois une grande priorité scientifique. Il faut que les scientifiques s'en emparent pleinement. On a vraiment besoin de travaux très fondamentaux. Un enjeu économique, bien entendu. Un enjeu éthique et un enjeu social. Chaque fois qu'on touche à l'environnement, on a un impact social. Je pense que le plus grand danger, nous pensons, qui guette l'humain, c'est sa capacité à réagir. André Lebeau disait, en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il réagit quand il est dans le mur. Il faut qu'on fasse un petit peu avant. Mieux vaut prévenir que guérir. Et cette image, c'est une jeune femme ici en Namibie qui fait ses cours, je ne sais pas quel âge, elle a 15 ans, hein. Je ne sais pas où elle met sa carte de crédit, là, en tout cas, elle en a une. Elle achète de l'eau, des viandes en bouteille de plastique qui relarguent du bisphénol de type A. Et ici, j'aime beaucoup celle-là. On l'avait trouvée dans un cimetière canadien des îles de la Reine Charlotte. Ils avaient jeté un crâne hors de la tombe. Ne me demandez pas pourquoi, mais Dame Nature a fait pousser de la mousse dessus. Moi qui aime bien gratouiller, je gratouille ce crâne, ça grouille de bestioles. Hein. Il y a des colamboles, des coléoptères, des acariens. Mais l'humain qui est là n'est plus tellement capable de s'en rendre compte. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était la leçon inaugurale de Gilles Boeuf, La biodiversité de l'océan, la forêt et à la cité, le 19 décembre 2013 au Collège de France. Le texte de cette leçon a paru chez Fayard. Sur les sites de France Culture et au Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les vidéos et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation avec Olivier Guérin et Élise Leu. Demain, Annie Cazenave, La Terre et l'environnement observés depuis l'espace. Belle journée à l'écoute de France Culture.